3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Né le 8 mai 1940 dans la ville américaine de New York, l'auteur Peter Benchley obtiendra son diplôme universitaire en 1961 et voyagera par la suite à travers le monde entier, et ce, pendant plus d'un an. En 1971, l'homme, qui avait écrit quelques mémoires sur ses expériences de voyage, exerçait divers emplois indépendants afin de subvenir aux besoins de sa famille. Ce sera durant cette période que celui-ci fera une dernière tentative pour rester en vie en tant qu'écrivain, son agent littéraire organisant alors des rencontres avec plusieurs éditeurs. Lors de ces réunions, Benchley proposera deux idées. Un livre non fictionnel sur les pirates et un roman décrivant un requin mangeur d'hommes terrorisant une petite communauté côtière. Ce sera cette dernière idée qui sera finalement développée par Benchley, ce dernier étant intrigué par ce reportage qu'il avait lu décrivant un pêcheur attrapant un grand requin blanc de 4550 livres au large de Long Island en 1964. Benchley avait longtemps été fasciné par les requins qu'il rencontrait fréquemment en pêchant avec son père Nathaniel à Nantucket. Ce sera finalement l'éditeur de Double Play, Thomas Congdon, qui proposera à l'auteur une avance de 1 000 $ pour écrire son histoire, ce qui permettra au romancier de soumettre les 100 premières pages. Benchley a tergiversé pour terminer son travail et ne commencera qu'à écrire sérieusement ce dernier que lorsque son agent lui rappellera que s'il ne livrait pas le manuscrit, il devrait rendre l'avance monétaire de la maison de publication à Congdon, cet argent ayant été dépensé. Benchley n'avait donc plus le choix de livrer la marchandise. Au final, une grande partie de l'ouvrage sera réécrite par l'éditeur qui n'était vraiment pas satisfait du style initial. Après plus d'un an et demi de travail, le livre, qui sera intitulé « Jaws » seulement une vingtaine de minutes avant d'aller sous presse, sera finalement distribué en février 1974 et deviendra un véritable succès, se retrouvant alors dans la liste des best-sellers du New York Times pendant plus de 44 semaines consécutives et se vendant à plus de 125 000 exemplaires. La version de poche connaîtra encore plus de succès, arrivant en tête des palmarès des livres les plus vendus dans le monde entier, avec plus de 9,5 millions d'exemplaires aux États-Unis et plus de 20 millions au niveau international. Peter Benchley fut membre du Conseil national de la défense environnementale et porte-parole de ce programme sur les océans et sera également l'un des membres fondateurs du conseil d'administration du Bermuda Underwater Exploration Institute. Il décédera le 11 février 2006 des suites d'une fibrose pulmonaire à son domicile de Princeton, au New Jersey, à l'âge de 65 ans. Donc, ramassez votre harpon et vos tonneaux, montez à bord de votre embarcation et préparez-vous à partir à la chasse au grand requin blanc, alors que je vous parle ici des deux premiers films de l'une des franchises les plus populaires du cinéma nord-américain, Jaws. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. We have a wonderful evening's entertainment lined up for you, one that will provide several hours of pleasurable relaxation and diversion for you and your family. Did you fail to dress up for tonight's show? No tie, an old shirt and slacks, a house dress? Well, don't give it a thought. We're glad you came as you are. We just want you to enjoy yourselves. Don't forget to visit our refreshment center during the intermission or any time. Jim Rex? What's Jim Rex? Would you believe a movie audience guide presented as a public service by this theater's management to help you select your motion picture entertainment? Well, that's what it is. And we urge you to learn these rating symbols and use them as a guide for you and your family. G means suggested for general audiences, all ages. M, suggested for mature audiences, parental discretion advised. R, restricted, persons under 16 not admitted unless accompanied by parent or adult guardian. X, persons under 18 will not be admitted. This seal in advertising indicates that the film was approved under the Motion Picture Code of Self-Regulation. The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime. Rated X. Il existe dans notre monde d'aujourd'hui une créature vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé, en dehors de toute passion, de toute logique. Elle vit pour tuer. C'est une machine à dévorer. Elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée, comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires. Voici, tiré du célèbre roman de Peter Benchley, l'extraordinaire adaptation qui en a été faite pour l'écran, Les Dents de la Mer. Je viens d'apprendre qu'une jeune fille a été tuée ici il y a 8 jours. Et vous le saviez. Vous saviez qu'un requin rôdait au large de nos côtes. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant, vous avez permis que les enfants se baignent. On a vu ça. Sortez tous de l'eau! Ça, c'est si chic. Vous criez barracuda, tout le monde dit, hein, pardon, vous criez requin, et c'est la panique pour la fête nationale. Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans 1 mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage? C'est exact. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Mais il ne s'agit pas que d'interdire la plage, il faut engager un homme pour tuer ce requin! C'est un filou. Mais je l'aurai, et je le tuerai. Tu as entendu ce qu'on t'a dit? Sors de l'eau tout de suite! Ce requin, il avale tout ce qu'il voit. Il nous faudrait un plus gros bateau. Ça, c'est un 6 mètres. 7 mètres, l'animal. 3 tonnes, bien pesées. Vite, il vient droit sur nous! Ne foutez pas la merde! Ne m'attendez pas! Feu! Tirez! Regardez sa queue! Attention à Hooper! Je ne peux pas, il tire trop fort! Ah! que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent les dents de la mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Jaws, ou les dents de la mer, est un drame qui a été produit et distribué par les studios Universal Pictures le 20 juin 1975. Ce film américain d'une durée de 124 minutes a coûté 9 millions de dollars à produire et a amassé plus de 476,5 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Steven Spielberg, lui qui avait réalisé les films Duel, Raiders of the Lost Ark et Always. Au poste de producteur, on y retrouve les producteurs américains Richard Darrell Zanuck, lui qui avait produit le film Cocoon, Target et Deep Impact, et également David Brown, lui qui avait produit le film The Island, Kiss the Girls et The Sugarland Express. Au poste de scénariste, on y retrouve les scénaristes américains Peter Bradford Benchley, lui qui a écrit les scénarios des films The Island, The Deep et The Great Houdini, ainsi que Carl Gottlieb, lui qui a écrit les scénarios de The Jerk, Dr. Detroit et Which Way Is Up. Dans la distribution, on y retrouve Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary et Murray Hamilton. Un requin se met à faire des ravages près des plages d'une île côtière alors que le maire de la localité s'efforce de minimiser la menace pour ne pas effrayer les touristes qui affluent en cette saison. Suite à la sortie du livre de Peter Benchley, Universal Studios, Columbia Pictures et Warner Brothers entreront alors dans une guerre de prix afin d'obtenir les droits cinématographiques du roman. Ce sera finalement Richard Zanuck et David Brown, producteurs chez Universal Pictures, qui obtiendront les droits du film en 1973 pour un montant de plus de 250 000 $ et plus de 10 % des profits nets de l'adaptation cinématographique si cette dernière était réalisée. Une fois les droits acquis, Zanuck et Brown envisageront alors le cinéaste vétéran John Sturges, dont le curriculum vitae comprenait une autre aventure marine, soit « The Old Man and the Sea », mais ce dernier refusera le projet. Par la suite, ce sera le réalisateur Dick Richards, dont le premier film, un western portant le titre de « Culpeper Castle Company », était sorti l'année précédente en salle et avait eu une bonne réception au niveau des critiques. Cependant, les deux producteurs seront rapidement irrités par l'attitude de Richard, qui ne cessait de décrire le requin comme une baleine, et finalement, les deux hommes décidèrent de le retirer du projet. C'est alors qu'entrera en scène le jeune réalisateur de 26 ans, Steven Spielberg, qui venait tout juste de terminer le tournage de sa toute première production cinématographique, soit The Sugarland Express. Ce sera donc en 1973, après une réunion entre Zanuck, Brown et Spielberg, que ce dernier sera engagé par les producteurs, voyant alors une similitude entre le projet de Jaws et un téléfilm que Spielberg réalisa 2 ans auparavant, soit Duel. Cependant, malgré le fait qu'il était extrêmement intéressé au projet, Spielberg deviendra quelque peu réticent juste avant de débuter la pré-production, ayant peur d'être associé au poste de réalisateur de films de camions ou de requins. Il décidera alors d'abandonner son poste et décidera de travailler sur un autre projet intitulé « Lucky Lady », produit par la 20th Century Fox. C'est alors que les exécutifs des studios Universal exerceront leur droit de veto face à son départ en vertu du contrat qui les unissait au jeune réalisateur. Brown convaincra donc Spielberg de rester et en échange, ce dernier pourrait choisir lui-même son prochain projet de film après celui-ci. Un budget estimé à 3,5 millions de $ et un calendrier de tournage de 55 jours seront alors entendus entre les deux parties, le tournage principal devant commencer en mai 1974 et se terminer d'ici la fin juin, afin d'éviter toute perturbation due à une grève potentielle entre les studios et la Writers Guild d'Hollywood. Lorsque les producteurs mettront la main sur les droits du roman, ils promettront à l'auteur qu'il pourrait écrire lui-même la toute première ébauche du scénario. Ce sera à ce moment que Spielberg annoncera qu'il ne voulait s'en tenir qu'à l'intrigue de base du roman, décidant alors d'abandonner de nombreuses intrigues secondaires afin de pouvoir être fidèle à la chasse aux requins se trouvant dans les 120 dernières pages du roman. Benchley, qui ne faisait alors pas partie de la Writers Guild à ce moment, écrira plus de 3 brouillons avant de voir son scénario confié à d'autres scénaristes. Afin de le remercier pour son travail, Spielberg permettra à Benchley d'interpréter un tout petit rôle à l'écran en tant que journaliste. N'étant pas pleinement satisfait du scénario de Benchley, Spielberg invitera alors le dramaturge Howard Sackler, lauréat du prix Tony et Pulitzer, à travailler sur le scénario, ce qu'il fera de façon non créditée. Mais le réalisateur désirait un certain humour dans son film afin d'éviter la lourdeur étouffante de son sujet. C'est alors qu'il se tournera vers son ami Carl Gottlieb, un auteur-acteur de comédie travaillant alors sur le sitcom « The Odd Couple ». Spielberg enverra à Gottlieb sa toute dernière version du scénario, lui demandant ce que l'écrivain pourrait y apporter comme changement. En échange d'un rôle dans le film, Gottlieb enverra à Spielberg plus de 3 pages de notes, ce dernier choisissant donc le rôle de Meadows, le rédacteur politiquement connecté du journal local, comme salaire. Satisfait du travail du scénariste, Spielberg décidera alors d'amener son ami rencontrer les producteurs afin d'obtenir le poste de scénariste principal sur la production. Devenu le scénariste en chef, Gottlieb réécrira presque tout le scénario pendant une période de 9 semaines, et ce, durant le tournage principal. L'écriture de chacune des scènes était généralement terminée la veille du tournage de cette dernière. Lors de la production, de nombreuses pièces de dialogue seront issues d'improvisations des comédiens réalisées lors de repas entre ces derniers, le réalisateur ainsi que le scénariste. D'autres scénaristes non crédités viendront également à l'aide de Spielberg et Gottlieb, incluant le scénariste et réalisateur John Milius et les écrivains de Sugarland Express, Matthew Robbins et Hal Barwood. Pour sa distribution, Spielberg accédera à la demande de Zanuck et Brown de recruter des acteurs connus. Cependant, le jeune réalisateur voulait éviter d'embaucher de grandes stars, estimant que des artistes quelque peu anonymes aideraient à la crédibilité de son histoire. Les premiers acteurs choisis seront Lorraine Gary, qui était à cette époque l'épouse du président d'Universal, Sidney Sheinberg, et Murray Hamilton dans le rôle du maire d'Amity Island. La cascadeuse devenue actrice, Susan Baclini, sera choisie pour incarner la toute première victime, car cette dernière savait nager et qu'elle était prête à se produire nue pour la séquence. La plupart des rôles mineurs seront alors interprétés par des habitants de la ville côtière de Martha's Vineyard, où le film sera tourné. Le rôle de Brody sera proposé à Robert Duvall, mais l'acteur n'était intéressé que par le rôle de Quinn. Charlton Heston exprimera son désir pour le rôle du chef de police, mais ce sera Spielberg lui-même qui refusera, croyant que la prestance de Heston serait trop grandiose à l'écran et que celle-ci effacerait l'importance du requin dans l'histoire. Ce sera finalement l'acteur Roy Scheider qui se montra intéressé au projet après avoir entendu le réalisateur discuter avec un scénariste du sujet de son prochain film lors d'une soirée. Encore une fois, Spielberg craignait d'embaucher Scheider, craignant que ce dernier n'incarne un dur à cuire semblable à son rôle dans The French Connection, mais Scheider réussira à le convaincre. 9 jours avant le début de la production, aucun acteur n'avait encore été choisi pour interpréter les personnages de Quint et de Hooper. Le rôle de Quint avait initialement été proposé aux acteurs Lee Marvin et Sterling Hayden, mais ce sera finalement les producteurs Zanuck et Brown qui suggérèrent à Spielberg l'acteur Robert Shaw, les deux hommes venant tout juste de terminer leur travail avec lui sur The Sting. Une fois le rôle proposé, Shaw se montrera réticent à accepter le poste, ce dernier n'aimant pas le livre. Cependant, il acceptera la demande pressante de son épouse ainsi que de son adjointe. Pour le rôle, Shaw basera sa performance sur un collègue du nom de Craig Kingsbury, un pêcheur local, excentrique, légendaire, qui était également agriculteur et qui obtiendra même un petit rôle dans le film. Pour le rôle de Hooper, Spielberg voulait initialement l'acteur John Voight, mais ce sera le meilleur ami de Spielberg, George Lucas, qui lui suggérera l'acteur Richard Dreyfuss, avec qui il venait tout juste de travailler sur American Graffiti. À l'origine, Dreyfuss refusa, mais changera d'idée après avoir assisté à la première de son dernier film, étant terriblement déçu de sa performance et craignant de ne plus obtenir de rôle à Hollywood. Le tournage débutera donc le 2 mai 1974 sur l'île de Martha's Vineyard, dans le Massachusetts. Tout comme Duel, Spielberg désirait filmer les séquences aquatiques sur l'océan et non dans un réservoir, ce qui a entraîné un tournage extrêmement difficile. Jaws deviendra d'ailleurs le tout premier film à gros budget à être filmé en mer. Le directeur de la photographie, Bill Butler, fera la conception de nouveaux équipements pour faciliter les prises de vue marines et sous-marines, notamment une plateforme qui pouvait maintenir la caméra stable, quelle que soit la marée. De son côté, Spielberg demandera au département artistique d'éviter le rouge dans les décors et les costumes afin que le sang des attaques soit beaucoup plus évident sur l'image. Initialement, les producteurs du film désiraient entraîner un véritable grand requin blanc. Mais ces derniers se rendront rapidement compte que cela ne sera pas possible. Ce sera donc pour cette raison que trois requins à hélice grandeur nature à propulsion pneumatique seront conçus pour le tournage. Il y avait un requin complet sans ventre qui était remorqué avec une ligne de 300 pieds. Deux autres requins de plateforme sont également construits, un qui se déplaçait de gauche à droite de la caméra, avec son côté gauche caché exposant un ensemble de tuyaux pneumatiques, et un modèle opposé avec son flanc droit totalement découvert. Ces requins seront alors surnommés Bruce, en hommage à l'avocat de Steven Spielberg, Bruce Rimmer. Ce sera le directeur artistique et décorateur Joe Alves qui fera la conception des trois machines qui seront fabriquées entre novembre 1973 et avril 1974 chez Rowley Harper's Motion Pictures and Equipment Rental à Sun Valley, en Californie. Leur construction nécessitera une équipe de plus de 40 techniciens supervisés par le superviseur des effets mécaniques Bob Matty, surtout connu pour avoir créé la pieuvre géante dans le film de 1954 « 20,000 Leagues Under the Sea ». Plus de 14 opérateurs seront nécessaires pour contrôler toutes les pièces mobiles de Bruce. Alves et son équipe seront également responsables de la construction de deux modèles identiques du bateau de plus de 42 pieds qui seront baptisés Orca. Mais le tournage en mer entraînera de nombreux retards et une explosion des coûts de production, principalement liés à une série d'incidents en rapport avec les requins mécaniques et à une température difficile. De plus, à un certain moment, une des versions du Orca commencera à couler avec les acteurs à bord. La situation sera tellement problématique à un certain point que sur une journée de travail quotidienne de 12 heures, seulement 4 heures seront réellement consacrées au tournage, le reste du temps servant à résoudre les problèmes reliés à la production. De plus, le scénariste Carl Gottlieb fut presque décapité par les hélices du bateau alors que l'acteur Richard Dreyfuss fut presque emprisonné dans la cage en acier sous l'eau. Les acteurs avaient souvent le mal de mer et l'acteur Robert Chuck, qui vivait des problèmes fiscaux avec le gouvernement américain qui le forceront à fuir au Canada chaque fois qu'il le pouvait, se livra à des beuveries et développera une rancune envers Richard Dreyfuss. D'ailleurs, pour la séquence où le personnage de Quinn raconte l'histoire du naufrage du USS Indianapolis, celle-ci sera écrite dans le scénario par le scénariste non crédité Howard Sackler. Cependant, lors du tournage, le monologue de Quinn sera finalement improvisé par le scénariste John Milius ainsi que l'acteur Robert Shaw, tous deux passionnés d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Au final, les dépenses reliées à la production feront exploser le budget de plus de 5 millions de dollars supplémentaires, dont 3 millions étaient directement liés au problème avec les requins mécaniques. Découragé, ce sera un des amis de Spielberg, le réalisateur et producteur Francis Ford Coppola, qui suggérera au jeune metteur en scène de ne pas montrer le requin, ce qui permettra alors à Spielberg de changer certaines séquences et d'apporter une présence plus suggestive de l'animal. Des images de vrais requins seront tournées par Ron et Valerie Taylor dans les eaux au large de Dangerous Reef en Australie du Sud, avec un petit acteur dans une cage à requins miniature afin de créer l'illusion que le requin était énorme. Cependant, durant le tournage de ces séquences, un grand blanc s'attaquera violemment au bateau et à la cage. Les images de l'attaque de la cage étaient si époustouflantes que Spielberg avait hâte de les intégrer dans le film. Cependant, il n'y avait personne dans la cage à ce moment-là et c'est alors qu'on changera le scénario afin de permettre au personnage de Hooper de s'échapper de celle-ci, ce qui a permis d'utiliser toutes les images en question. Ce sera d'ailleurs à ce moment que la décision fut prise de garder en vie le personnage de Hooper, ce dernier décédant dans le livre et devant également, à l'origine, mourir dans le film. Après plus de 159 jours de tournage, soit presque le triple de ce qui fut entendu à l'origine, la production se terminera le 6 octobre 1974. Pensant que sa carrière était terminée et que l'équipe de production se vengerait sur lui en le jetant à l'eau, Spielberg décidera de ne pas se présenter lors du tournage de la scène finale dans lequel le requin explose, ce qui est devenu par la suite une tradition pour Spielberg, soit celle d'être absent lors du tournage de la scène finale d'un de ses films. Ce sera Verna Fields qui deviendra la monteuse principale sur le long métrage, ayant réalisé un premier montage des deux premiers tiers du film avant la fin de la production et qui complétera son travail après la fin du tournage. Suite aux projections test, quelques modifications seront apportées au montage final. Même qu'à un certain moment, Spielberg paiera de ses poches plus de 3 000 $ pour retourner la séquence dans laquelle Hooper découvre le corps de Ben Gardner, les exécutifs de Universal Studios ayant refusé de payer pour le nouveau tournage. Ayant composé la musique du long-métrage précédent de Spielberg, soit de Sugarland Express, John Williams sera de nouveau approché par le réalisateur afin de composer la musique de Jaws. Lorsque Williams présentera pour la première fois son idée à Spielberg en jouant seulement les deux notes sur un piano, Spielberg aurait ri, pensant que c'était une blague. Suite à la sortie du film, la partition de Williams lui vaudra un Oscar et, avec le temps, sera classée 6e meilleure musique de film par l'American Film Institute. Universal dépensera plus de 1,8 million de dollars pour commercialiser Jaws, dont un montant sans précédent de 700 000 dollars en spots publicitaires télévisés nationaux. Le blitz médiatique, qui comprenait environ 2 douzaines de publicités de 30 secondes, sera diffusé chaque soir sur les différentes chaînes de télévision américaines aux heures de grande écoute entre le 18 juin et la première du film, 2 jours plus tard. Une 3e et dernière projection en avant-première d'un montage incorporant les changements inspirés des présentations précédentes aura lieu à Hollywood le 24 avril. Après que le président des studios MCA Universal, Lew Wazerman, ait assisté à cette projection, il ordonnera que la sortie initiale du film prévue dans un total de 900 salles soit réduite, désirant alors que les gens se déplacent sur de grandes distances afin de voir le long métrage. Ce sera donc le 20 juin que Jaws sera diffusé dans plus de 464 écrans en Amérique du Nord, soit 409 salles aux États-Unis et le reste au Canada. S'appuyant alors sur le succès du film lors de sa sortie initiale, le long-métrage sera par la suite diffusé un mois plus tard dans plus de 700 salles, puis plus de 950 salles à la mi-août. Lors de sa sortie initiale en juin 1975, Jaws remportera un montant record de 21 millions de dollars au cours de ses 10 premiers jours, dont 7 durant son tout premier week-end, récupérant ainsi ses coûts de production. Le film franchira la barre des 100 millions de revenus après seulement 59 jours, devenant le premier film à franchir cette marque en salle aux États-Unis. De plus, le long-métrage passera plus de 14 semaines consécutives en tant que film numéro 1 aux États-Unis. À l'étranger, le film battra des records au box-office à Singapour, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Espagne ainsi qu'au Mexique. Alors qu'il terminera sa course initiale dans les salles nord-américaines avec plus de 123,1 millions de dollars, Jaws amassera un 133,4 millions de dollars additionnels entre 1976 et 1979, battant ainsi tous les records qu'avait obtenus à l'époque The Godfather de Francis Ford Coppola. Jaws sera le film le plus rentable de tous les temps jusqu'à la sortie de Star Wars 2 ans plus tard. Lorsque le film sera diffusé à la télévision sur les ondes de ABC le 4 novembre 1979, plus de 57% de l'audience totale américaine sera assise devant la télévision, soit la 2e plus grande audience pour un film télévisé, tout juste derrière Gone with the Wind. Au Royaume-Uni, ce sera plus de 23 millions de téléspectateurs qui regarderont sa diffusion inaugurale en octobre 1981, la 2e plus grande audience télévisée britannique jamais enregistrée pour un long métrage après To Live and Let Die, mettant en vedette l'agent 007. Le drame remportera 3 Oscars, soit celui du meilleur montage de film, de la meilleure musique dramatique originale et du meilleur son. Il sera également nominé pour le meilleur film, perdant contre One Flew Over the Cuckoo's Nest. Cependant, Spielberg sera extrêmement déçu de ne pas avoir été nominé comme meilleur réalisateur. Parallèlement à l'Oscar, la partition de John Williams remportera le Grammy Award, le BAFTA Award de la meilleure musique de film et le Golden Globe Award. À son Oscar, la monteuse Verna Fields ajoutera Lady Award des American Cinema Editors pour le meilleur long-métrage édité. Le film a été élu film préféré au People's Choice Awards et sera également nominé pour le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur de soutien en la personne de Richard Dreyfuss, meilleur scénario, meilleur montage et meilleur son au 29e British Academy Film Awards et pour le meilleur film dramatique, le meilleur réalisateur et le meilleur scénario au 33e Golden Globe Awards. Spielberg sera de plus nominé pour la Guild des réalisateurs d'Amérique pour le prix DGA et la Writers Guild of America nominera le scénario de Peter Benchley et Carl Gottlieb pour le meilleur drame adapté d'une œuvre littéraire. De nombreux produits dérivés seront créés pour profiter de la sortie du film. En effet, à cette époque, le film sera accompagné de l'album de bande originale, de T-shirts, de gobelins en plastique, d'un livre sur la réalisation du film, de serviettes de plage sur lesquelles se trouvait l'image du poster du long-métrage, de couvertures, de costumes de requins, de requins-jouets, de kits de jouets, des transferts thermocollants, des jeux, des affiches, des colliers en dents de requin, des vêtements de nuit, des pistolets à eau et plus encore. Tout comme The Exorcist, Jaws provoquera des réactions de stress chez ses spectateurs, ce qui causera une mauvaise perception du grand requin blanc et fera en sorte que les plages nord-américaines auront une diminution visible du nombre de personnes s'y amusant, tandis que dans le même temps, le nombre d'appels téléphoniques à la police concernant une éventuelle observation de requins augmentera de façon spectaculaire. Plus important encore pour l'environnement, Jaws sera responsable de l'augmentation des chasses aux requins, faisant en sorte qu'aujourd'hui, un tiers des types de requins existants dans le monde sont devenus menacés d'extinction. Jaws aura également joué un rôle majeur en créant le phénomène du blockbuster estival, l'hiver, ayant précédemment été la période où les succès les plus espérés étaient distribués, alors que l'été était largement réservé au dumping de films jugés susceptibles d'être peu performants. Ce sera donc Jaws, mais également Star Wars, qui seront considérés comme ce moment temporel du début du nouveau modèle économique de l'industrie cinématographique américaine, dominé par des films ayant des prémices très commerciales. De plus, Jaws deviendra un modèle pour de nombreux films d'horreur ultérieurs, dont Alien en 79, qui sera présenté aux dirigeants des studios 20th Century Fox sous la forme de Jaws in Space. De plus, de nombreux films basés sur des animaux mangeurs d'hommes, généralement aquatiques, sortiront par la suite durant les années 70 et 80, tels que Orca, Grizzly, The Jaws of Death, Barracuda, Alligator, Day of the Animals, Food of the Gods, Eaten Alive, Piranha et bien d'autres. Le long-métrage de Spielberg a été fréquemment cité comme l'un des plus grands films de tous les temps, atteignant le numéro 48 des 100 plus grands films de la American Film Institute. D'ailleurs, sur cette liste, l'on peut retrouver le requin au 18e rang des 50 meilleurs méchants, la phrase « You're gonna need a bigger boat » se retrouvant au 35e rang sur une liste des 100 meilleures citations de films, alors que la partition musicale du compositeur John Williams se retrouva, elle, au 6e rang des 100 meilleures musiques de films. Ce sera en 2001 que la Bibliothèque du Congrès des États-Unis sélectionnera Jaws pour être conservé dans le National Film Registry, le reconnaissant comme un film d'horreur historique et le premier film à succès d'été. En 2006, le scénario sera classé 63e meilleur de tous les temps par la Writers Guild of America, alors qu'en 2012, la Motion Pictures Editor Guild a classé le film comme le 8e film le mieux monté de tous les temps, sur la base d'une enquête auprès de ses membres. Jaws inspira également deux manèges dans des parcs à thème, soit un à Universal Studios en Floride, qui fermera ses portes en janvier 2012, et un autre à Universal Studios au Japon. Deux adaptations musicales basées sur le film seront réalisées, soit Jaws the Musical, qui fut créé en 2004 au Minnesota Fringe Festival, et Giant Killer Shark the Musical, qui sera créé en 2006 au Toronto Fringe Festival. De plus, trois jeux vidéo basés sur le film seront produits, soit Jaws en 1987, qui sera développé par la Nintendo Entertainment System, Jaws Unleashed, créé en 2006 pour la Xbox, PlayStation 2 et les ordinateurs, et finalement, Jaws Ultimate Predator, qui sera créé en 2011 pour la Nintendo 3DS et la Wii. Un jeu mobile sera également mis disponible en 2010 pour le iPhone, alors qu'en 2017, le développeur du jeu vidéo Zen Studios développera et publiera une adaptation de pinball virtuel du film dans le cadre du pack complémentaire Universal Classic pour le jeu Pinball FX3. Ce jeu présente des versions 3D de Quinn et du requin avec la possibilité de jouer des missions du point de vue de l'un ou l'autre des personnages. De plus, une comédie musicale intitulée Bruce et basée sur le livre de Carl Gottlieb de Jazz Log aura sa première mondiale au Theater Seattle Rep du 27 mai au 3 juillet 2022. Cette comédie musicale couvrait les difficultés rencontrées par Spielberg pour réaliser le film, y compris les problèmes persistants avec le requin mécanique titulaire. Finalement, la compagnie Lego sortira un set basé sur la scène où Bruce attaque l'orca avec le chef Martin Brody, Matt Hooper et Sam Quinn à son bord. L'ensemble est sorti en août 2024 et comprenait plus de 1500 pièces. Connu pour son bref mais marquant rôle de la toute première victime du requin dans le film culte, rôle qu'elle parodia dans la comédie 1941 en 1979, l'actrice et cascadeuse américaine Susan Blackleeny succombera d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans à Ventura, en Californie, le 11 mai 2024. Quant à l'acteur Robert Archibald Shaw, ce dernier décédera en Irlande à l'âge de 51 ans des suites d'une crise cardiaque le 28 août 1978 alors qu'il conduisait de Castlebar dans le comté de Mayo à son domicile de Turmickey. Accompagné de sa femme et de son fils, il est soudainement tombé malade, a arrêté la voiture, en est sorti, puis s'est effondré sur le bord de la route. Il fut amené à l'hôpital général de Castlebar où son décès sera constaté. Shaw venait tout juste de terminer ses scènes pour le film Avalanche Express, un film d'espionnage irlandais qui sortira en salle en 1979 et dont le réalisateur Mark Robson mourut également d'une crise cardiaque en juin 1978, juste avant la fin du tournage. Du côté des points forts, eh bien, Jaws est un classique réalisé par une main de maître du cinéma qui possède ici un plein contrôle de sa technique, racontant son histoire à l'aide d'un langage visuel fort original, ce qui lui permet de garder continuellement l'attention de son auditoire. Spielberg mélange bien ici les moments de tension soutenus avec un humour croquant, le tout étant fait d'une façon naturelle et intelligente. De plus, le réalisateur s'attaque à tous ses personnages en nous les présentant de façon humaine et intéressante, faisant en sorte que nous nous attachons rapidement à ceux-ci. Au niveau de la distribution, Scheider est excellent en Brody, mais se fait littéralement voler la vedette par Dreyfuss et Shaw, ces derniers étant ici tout simplement parfaits dans leurs rôles respectifs. Le reste de la distribution est également excellente, Spielberg rendant son film le plus réaliste possible avec des scènes de foule et des personnages qui se parlent comme s'ils étaient dans la vraie vie. De plus, le réalisateur nous montre parfaitement à quel point que, dès que l'argent est impliqué, l'humain devient un être stupide qui ne pense qu'aux conséquences qu'une fois le drame survenu. De plus, Spielberg utilise de façon très intelligente tout ce qui lui est mis sous la main afin de présenter son requin, ce dernier étant continuellement menaçant, même lorsqu'il n'est pas montré à l'écran. Alors que le film passe du drame d'horreur à un film d'aventure, Jaws est tout simplement époustouflant par la qualité de ses effets visuels, le tout, bien sûr, soutenu par la musique magistrale du compositeur John Williams. Mais du côté des points faibles, eh bien, le fait que les acteurs parlent un par-dessus l'autre continuellement fait en sorte que par moments, nous avons de la difficulté à comprendre ce qu'ils disent. De plus, les mouvements qu'ont les victimes du requin dans l'eau ont des mouvements qui ne sont pas vraiment très réalistes, le tout étant réalisé de la sorte afin d'obtenir plus d'impact au niveau visuel, au détriment de la réalité. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur John Williams qui s'occupe ici de la réalisation de la partition musicale, lui qui avait réalisé les trames sonores de Close Encounter of the Third Kind, Raiders of the Lost Ark et bien sûr Star Wars. On peut trouver la trame sonore de Jaws en forme de vinyle, ce vinyle qui a été sorti sous l'étiquette MCA en 1975. Il y aura une nouvelle édition vinyle qui sortira sous l'étiquette Mondo en octobre 2017. Mais vous pouvez avoir également la trame sonore sous forme de CD, la première étant sortie sous le nom de Jaws 25th Anniversary Collector Edition sous l'étiquette Decca Record. Ça, c'est sorti le 11 juillet 2000. Puis vous avez eu Jaws, la trame sonore originale qui est sortie, bien sûr, en CD sous l'étiquette Varese Sarabande le 12 septembre 2000. Et finalement, une nouvelle édition de la trame sonore de Jaws qui, elle, sortira sous l'étiquette Intrada le 16 novembre 2015. Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Introducing Jaws, the revolutionary new power grip wrench. Jaws is the world's first self-adjusting ratcheting wrench. Patented 360-degree rotating head is fingertip adjustable up to an incredible 1.5 inches. No more fumbling with clumsy turn screw adjustments. The positive ratchet action provides perfect non-slip grip every time. The harder you press, the tighter it grips. Yet like magic, Jaws release instantly. Jaws is so powerful you can put your full weight into it. Watch this. Jaws backs a screw bolt out of solid hardwood even with the head cut off. Jaws handle adjusts to any position for maximum leverage. Gets into tight spots with awesome gripping power. No matter what the job, big or small, Jaws handles them all quickly and easily. Jaws Power Grip is a forged steel tool with an incredible lifetime warranty. Why pay $75 to $80 for a toolbox full of tools? Jaws replaces them all at only $19.95 from K5. It's the perfect gift. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now. First, there was Jaws, the novel that terrified the world. Now, 4 years later, the terror continues. Just when you thought it was safe to go back in the water. Jaws 2, the completely new novel. Jaws 2. Read it now from Bantam Books, wherever paperbacks are sold. Just when you thought it was safe to go back in the water. Shark! The shark is here. The ferociously good ice pop from Good Humor. The Good Humor shark has the great taste of natural grape and a shocking shark shape. Mmm, delicious. The Good Humor shark is waiting for you in your supermarket freezer. We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully, and come back soon. Jaws. Jaws. Jaws. Jaws is the game where you try to fish out what's in the jaws of the great white shark. I'm going for the camera. Made it. But be careful, because if you remove the wrong piece, the jaws will get you. And you're out. Jaws, it's you against the great white shark and each other from Ideal. The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime. Get more out of life. Go out to a movie. Jaws 2, ou Les Dents de la mer, deuxième partie, est un drame qui a été distribué par les studios Universal Pictures le 16 juin 1978. Ce film américain d'une durée de 116 minutes a coûté 20 millions de dollars à produire et a amassé plus de 208,9 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le réalisateur français Jeannot Schwartz, lui qui avait réalisé les films Bug, Supergirl et Santa Claus The Movie. Au poste de producteur, on y retrouve de nouveau les producteurs américains Richard Zanuck, lui qui avait produit les films The Verdict, Rush et Planet of the Apes, la version de 2001, ainsi que David Brown, lui qui avait produit les films Target, Cocoon 2 The Return et A Few Good Men. Au poste de scénariste, on y retrouve le scénariste américain Carl Gottlieb, lui qui avait écrit les scénarios de Jaws 3D, The Jerk et Caveman, ainsi que Howard Sackler, lui qui avait écrit les scénarios de The Great White Hope, Goodbye Fidel et Killer's Kiss. Dans la distribution, on y retrouve Roy Scheider, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Joseph Mascolo, Jeffrey Kramer, Colin Wilcox, Anne Dusenberry, Mark Gruner et Mark Gilpin. Un requin fait des ravages dans les eaux avoisinantes d'une station balnéaire, forçant le chef de la police locale à prendre la situation en main lorsque les autorités du village préfèrent ignorer les signes pour ne pas nuire à la saison touristique. Suite au gigantesque succès commercial de Jaws, les exécutifs du studio Universal se tourneront alors vers les deux producteurs David Brown et Richard Zanuck afin de faire une suite. Se rendant rapidement compte que quelqu'un d'autre produirait le film s'il ne le faisait pas, les deux hommes accepteront de prendre en charge le projet. Tout de suite, Brown et Zanuck approcheront le réalisateur Steven Spielberg, mais ce dernier refusera, surtout lorsqu'il entendra l'intrigue qui devait impliquer les fils de Quint et Brody chassant un nouveau requin. Une autre raison du refus du réalisateur sera liée directement aux problèmes rencontrés durant la production du premier film. Mais malgré le rejet de Spielberg, les producteurs poursuivront le projet, ce qui conduira à un processus de pré-production ardu de plus de 18 mois. Howard Sackler, qui avait contribué au scénario du premier film, mais qui avait choisi de ne pas être crédité, fut chargé d'écrire la première ébauche. Il proposera initialement un prequel basé sur le naufrage du USS Indianapolis, l'histoire relayée par Quinn dans le premier volet, mais bien que le président d'Universal, Sidney Sheinberg, ait pensé que l'idée était intrigante, ce concept sera rejeté. Alors qu'il cherchait toujours un concept pour ce second volet, Sackler fera alors la recommandation à ses producteurs du réalisateur John Hancock, qui sera alors choisi pour diriger le film. Alors que le tournage principal devait commencer au printemps 1977, Hancock engagea sa femme, Dorothy Tristan, pour réécrire la première ébauche du nouveau scénario de Howard Sackler. L'acteur Roy Scheider reprendra alors son rôle de Martin Brody à contre-cœur. En 1977, Scheider quitta alors son rôle de Michael Vronsky dans le film de Michael Cimino, The Deer Hunter, deux semaines avant le début du tournage en raison de différends créatifs. Alors, sous contrat avec Universal pour trois films, Scheider dut accepter d'apparaître dans Jaws 2 afin d'obtenir un pardon pour son manquement à son obligation contractuelle des hauts dirigeants de la Universal. L'acteur résistera cependant fortement à sa participation à ce long-métrage et deviendra si désespéré d'être relevé de son rôle qu'il plaidera la folie au Beverly Hills Hotel. Cependant, les hauts dirigeants d'Universal lui remettront une offre financière attrayante, l'acteur voyant alors son salaire quadruplé par rapport au premier film et obtenant également un pourcentage des bénéfices nets du film. Au final, Scheider recevra plus de 500 000 $ pour 12 semaines de travail, avec un bonus de plus de 35 000 $ pour chaque semaine supplémentaire si besoin. Ce sera Sherry Rhodes qui aura la tâche de trouver les différents comédiens et comédiennes du nouveau long-métrage. De nombreux figurants seront recrutés du lycée Gulf Breeze, ces étudiants étant payés 3 $ de l'heure, bien au-dessus du salaire minimum de l'époque. D'ailleurs, les hauts dirigeants des studios Universal feront une contribution de 3 500 $ en plus à l'école pour la participation de ces étudiants dans le film. Alors que Lorraine, Gary et Murray Hamilton seront de retour pour ce second volet, l'acteur Richard Dreyfuss, qui jouait Matt Hooper dans le premier Jaws, refusera de revenir pour cette suite car Spielberg n'était pas au poste de réalisateur. John Hancock débutera le tournage de Jaws 2 en juin 1977. Cependant, après trois semaines de tournage, les dirigeants des studios Universal n'aimaient vraiment pas le ton sombre et subtil que prenait le film et voulaient une histoire plus légère et plus orientée vers l'action. De plus, Hancock aura de multiples confrontations avec le président des studios, Sidney Sheinberg, qui voulait que sa femme, l'actrice Lorraine Gary, ait un rôle plus proactif dans Jaws 2, ce qui sera alors rejeté par le producteur Richard Zanuck. Ces difficultés, ainsi que le licenciement d'une actrice qui s'avéra être la petite amie d'un autre dirigeant des studios Universal, contribueront à son renvoi. Ce sera donc à ce moment que le scénariste Cal Gottlieb sera de nouveau engagé par Zanuck et Brown afin de reviser davantage le scénario et y ajouter un peu plus d'humour, mais surtout réduire une partie de la violence. Travaillant de Fort Walton Beach, en Floride, Gottlieb coûta plus cher aux producteurs que si ces derniers l'avait embauché en premier lieu. À ce stade, Steven Spielberg envisageait de revenir à titre de réalisateur sur la production. Toutefois, en raison de son contrat avec Columbia Pictures pour la réalisation de Close Encounter of the Third Kind, Spielberg ne pouvait pas travailler sur Jaws 2 avant 1978, les producteurs ne pouvant pas attendre jusque-là. Le décorateur Joe Alves, qui dirigera plus tard Jaws 3D, ainsi que Verna Fields, qui avait été promu vice-président des studios Universal après son montage acclamé sur le premier film, se proposeront afin de co-réaliser le long-métrage. Cependant, la Guilde des réalisateurs américaines mettra son doigt de veto sur cette possibilité, en partie parce qu'elle ne permettait pas qu'un membre de leur organisation soit remplacé par quelqu'un qui n'en faisait pas partie. Les rênes furent donc finalement confiées au réalisateur français Jano Schwartz, qui venait tout juste de connaître un certain succès avec son dernier film « Bug » et que Joe Alves connaissait pour avoir travaillé avec lui sur la série télévisée « Night Gallery ». Arrivé de façon précipitée sur la production, le réalisateur tournera la scène de la skieuse nautique, donnant ainsi à Gottlieb le temps de compléter son travail sur le scénario. Face à ces changements au niveau de l'écriture et de la direction, le personnage de l'adjoint Hendrix, joué par Jeffrey Kramer, qui manquait dans le scénario précédent, sera ajouté à l'histoire, tout comme celui de Mike Brody, alors que de nombreux personnages adolescents seront abandonnés, forçant ainsi le licenciement de plusieurs acteurs. Les requins du film original, ayant malheureusement pourri au cours des années écoulées derrière des hangars des studios Universal, trois nouveaux requins devront être construits. Ce seront cette fois les superviseurs des effets spéciaux mécaniques Robert Matty et Roy Arbogast qui seront chargés de la lourde tâche, utilisant le même moule corporel que celui utilisé pour Bruce dans le premier film. Le requin principal, qui portera le nom de Matty, était beaucoup plus compliqué et ambitieux et obtiendra une nouvelle tête qui sera réalisée par le sculpteur Chris Mueller. Les deux autres requins seront, durant le tournage, surnommés Fidel et Harold. Comme dans le premier film, des images de vrais requins seront tournées par les plongeurs australiens Ron et Valerie Taylor. De nouveau, la production sur l'eau s'avéra un véritable défi, l'équipe étant continuellement aux prises avec des marées, les vagues et surtout les vents violents provoqués par des ouragans qui poussaient alors les navires dans la mauvaise direction, forçant alors l'équipe de la production à ancrer les voiliers pendant plusieurs heures, ralentissant ainsi considérablement la production. De plus, l'effet corrosif de l'eau salée endommagera certains équipements, notamment les pièces métalliques des requins. Le village côtier de Martha's Vineyard sera de nouveau utilisé comme lieu de tournage pour les scènes de la ville d'Amity, alors que d'autres séquences seront tournées à la côte d'Emerald. Malgré le fait que plus de 2 millions de dollars étaient investis dans le village, certains résidents n'apprécieront point la présence de l'équipe de tournage et refuseront même de coopérer à la production. Des T-shirts sur lesquels on pouvait lire « Universal Go Home » commenceront alors à apparaître dans les rues. Malgré cela, de nombreux résidents apprécieront la présence de l'équipe de tournage et accepteront d'être choisis comme figurants pour le film. Une décision sera alors prise pour tourner la majorité du film à Navarre Beach, en Floride, la production s'y trouvant du 1er août au 22 décembre 1977, des plans supplémentaires étant alors tournés sur l'île de Calusa. L'atmosphère était tendue sur le plateau de tournage, notamment à cause de multiples disputes entre l'acteur Roy Scheider et le réalisateur Jano Schwartz. À cette occasion, Scheider se plaindra devant les figurants que Schwartz perdait du temps avec les problèmes techniques et les figurants tout en ignorant ses acteurs principaux. Une réunion sera alors convoquée par David Brown et Verna Fields, au cours de laquelle Scheider et Schwartz seront fortement encouragés à régler leurs différends. Au grand désarroi des producteurs, cette rencontre résultera en une bagarre physique entre les deux hommes. À un autre moment durant le tournage, de véritables requins-marteaux encercleront la structure flottante des voiliers où se trouvaient tous les acteurs adolescents. Filmant à distance, l'équipe de production ne réalisera pas sur le coup que les acteurs appelaient véritablement à l'aide, car la scène qu'ils étaient en train de tourner montrait leur personnage en détresse appelant à l'aide. Le tournage principal se terminera trois jours avant Noël 1977 dans la baie de Choctawatchee, en Floride. La dernière séquence filmée sera celle du requin électrocuté sur le câble. À la mi-janvier, l'équipe sera de nouveau réunie à Hollywood avec certains des acteurs adolescents pour plus de cinq semaines de reshoot de post-production. Le budget initial, prévu pour plus de 10 millions de dollars, explosera pour finalement atteindre les 20 millions. 5 millions de dollars seront ajoutés à ce montant afin de couvrir les frais de promotion du long-métrage. John Williams sera de retour afin de composer la partition musicale de cette suite. Des retards sur la production forceront Williams à commencer à travailler sur sa composition avant la fin du tournage. Afin d'aider son compositeur, le réalisateur dirigera celui-ci à l'aide de séquences montées et de storyboards, et malgré ces conditions difficiles, Williams terminera son travail dans les temps. Jaws 2 aura sa première dans plus de 31 cinémas à travers les États-Unis, soit le 2 juin 1978, avant son ouverture officielle le 16 juin dans plus de 640 cinémas aux États-Unis et au Canada. Le long-métrage amassera plus de 9,8 millions de dollars durant son week-end d'ouverture, terminant en tête du box-office devant la comédie musicale Grease, qui était sortie en salle à la même date. Au final, la suite du film de Steven Spielberg rapportera plus de 102,9 millions de dollars sur le continent nord-américain et un 106 millions additionnels dans le reste du monde. Jaws 2 inspirera beaucoup plus de produits dérivés que son prédécesseur. Les produits comprenaient des ensembles de cartes à collectionner de Tops et Baker's Bread, des gobelets de Coca-Cola, des serviettes de plage, un programme souvenir, des colliers en dents de requin, des livres de coloriage et d'activités et un modèle réduit du camion de Brody. De plus, une romanisation sera écrite par l'auteur Hank Searles, basée sur une des premières versions du scénario de Howard Sackler. Le premier chapitre du livre sera imprimé avant la sortie du film dans plus de 15 journaux américains, dont le Los Angeles Times, le New York Post, le Chicago Tribune et le Washington Post. Une version condensée du livre sera alors publiée dans le Reader's Digest, alors que Marvel Comics publiera une adaptation en bande dessinée du film qui sera écrite par Rick Marshall et dessinée par les artistes Gene Colan et Tom Palmer. Suite au succès du making-of de Carl Gottlieb sur le premier film, Ray Lloyd écrira un livre intitulé « The Jaws 2 Log », rendant compte de la production de ce nouveau long-métrage. De cette production, plusieurs personnes nous ont quittés, dont le scénariste Howard Sackler, qui sera retrouvé sans vie le 12 octobre 1982 dans son studio d'Ibiza, en Espagne, où il vivait la majeure partie de l'année. Sackler, qui laissera dans le deuil sa femme et ses deux enfants, travaillait au moment de sa mort sur Klondike, une pièce de théâtre farfelue sur la ruée vers l'or. Il n'était âgé que de 52 ans. Le producteur Richard Zanuck perdra la vie, lui, des suites d'une crise cardiaque le 13 juillet 2012 à sa résidence de Los Angeles, en Californie. Il n'était âgé que de 77 ans. Le producteur David Brown, quant à lui, décédera à l'âge de 93 ans à sa résidence de Manhattan des suites d'une insuffisance rénale le 1er février 2010. Quant à la monteuse Verna Field, celle-ci décédera d'un cancer à Los Angeles, en Californie, le 30 novembre 1982. Elle avait 64 ans. En son honneur, les studios Universal nommeront un bâtiment sur son terrain d'Universal City, en Californie, le Verna Field Building. Cet établissement se trouve juste en face du bâtiment Alfred Hitchcock et chaque année, le regroupement du Motion Picture Sound Editors remet le prix Verna Field pour le meilleur montage sonore pour un film étudiant. L'acteur Murray Hamilton décédera des suites d'un cancer du poumon à Washington à l'âge de 63 ans, le 1er septembre 1986. Puis, finalement, l'acteur Roy Scheider, qui combattait un cancer depuis 2004, perdra la vie des suites de complications liées à une infection à staphylocoque au University of Arkansas for Medical Sciences Medical Center dans la ville de Little Rock, en Arkansas, le 10 février 2008, à l'âge de 75 ans. Après sa mort, une biographie intitulée « Roy Scheider, A Life » sera publiée en hommage, compilant des critiques, des essais et des narrations sur sa vie et sa carrière. Du côté des points forts, bien que Jaws 2 n'égale jamais son prédécesseur, le film a tout de même le mérite d'avoir quelques scènes spectaculaires et une musique encore une fois excellente du compositeur John Williams. Une suite signifie plus de requins, plus de morts, plus de scènes choc, et c'est exactement à ce genre de spectacle qu'il faut s'attendre ici, le réalisateur français Jeannot Schwartz donnant exactement à son auditoire ce qu'il désirait à ce niveau-là. La chimie est encore présente ici entre Roy Scheider et l'actrice Lauren Gary, et le film a tout de même le plaisir de nous présenter de nouvelles jeunes vedettes, dont certaines auront plus tard une bonne carrière. Mais du côté des points faibles, disons qu'au niveau scénaristique, les écrivains se contentent de reprendre les clichés du film précédent et la mise en scène de Schwartz est ici tout simplement mécanique, perdant l'originalité du visuel du premier volet. Le personnage principal arrive beaucoup trop rapidement à la conclusion qu'un requin est responsable de tous ses problèmes, transformant même le personnage en un être excentrique, dénué de logique, ce qui casse définitivement avec le personnage du film original. Le film se contente également de nous présenter une série de scènes choc surprises sans vraiment être capable de monter un suspense adéquat. On assiste ici plus à un film d'action-réaction qu'avec le film original. Cela fait en sorte que le film manque de rythme et de logique par moment. Le requin est montré beaucoup trop rapidement et beaucoup trop souvent, ce qui empêche aux spectateurs d'être véritablement effrayés par ce dernier. De plus, les actions de l'animal n'ont pas vraiment de logique, mais que cela ne tienne, on n'assiste pas ici à un chef-d'œuvre, mais plutôt à une œuvre qui se contente d'être une suite. Cependant, bien que le film soit moins intéressant que son prédécesseur, Jaws 2 est sans aucun doute la meilleure suite de la franchise. Du côté musical, c'est le compositeur américain John Williams qui s'occupe de nouveau de la partition du film, lui qui a réalisé la musique des films Towering Inferno, Harry Potter and the Sorcerer's Stone et E.T. The Extraterrestrial. Vous pouvez avoir un vinyle de Jaws 2 qui est sorti sous l'étiquette Jeffons en 1978 Et vous pouvez également avoir deux versions CD de Jaws, soit la version de base qui a été sortie sous l'édition Varese Sarabande le 8 octobre 1991 et une version allongée Special Collection qui est sortie sous l'étiquette Instrada le 13 novembre 2015. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm, à l'époque, avait coté le film 3. Il est coté 2 aujourd'hui. Moi, j'y vais avec une cote 1. Pour moi, Jaws est un véritable chef-d'œuvre qui vieillit avec le temps d'une belle façon. Du côté de l'âge et du contenu, le film a été coté 13 ans indicatif pour la régie du cinéma. J'y vais avec une cote 14 ans pour de la violence et un langage vulgaire. Du côté de Jaws 2, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5, un film qui est vraiment en deçà du film original. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence et un langage vulgaire. Du côté des sorties DVD, eh bien, Jaws est disponible en DVD, en Blu-ray et en 4K, en français et en anglais. Tout comme Jaws 2, qui est également disponible en français et en anglais, en DVD, en Blu-ray et en version 4K. Ladies and gentlemen, our next attraction! Coming soon to a theater near you. A creature alive today has survived millions of years of evolution. It lives to kill, a mindless eating machine that will attack and devour anything. One terrified you like nothing you have ever experienced when it captured your imagination and tapped your fear like no movie before it. Then, just when you thought it was safe to go back in the water, two continued the legend and spread the fear. Next summer, nature's most terrifying creature takes on an all-new dimension in an all-new adventure. And for the first time, the terror of Jaws will not stop at the edge of the screen. Jaws 3D, the third dimension, is terror. Man's deepest fear has risen again. Jaws, the revenge. This time, it's personal. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions.